À l'occasion de la journée de l'Europe, l'ambassadeur allemand Thomas Schöppe et le polonais Krzysztof Cheben en Corée ont offert en commun un banquet le 9 courant. Y ont été conviés Kim Sung-yeon, chef du département européen numéro 2, et d'autres officiels du ministère coréen des Affaires étrangères, les représentants diplomatiques de divers pays et des organisations internationales à Pyongyang. Les diplomates étrangers ont exprimé à cette occasion leur attente de la détente de la situation de la péninsule coréenne et de la prise des mesures de solutions pacifiques basées sur le dialogue et les négociations.